marie-toi, mon vieux, marie-toi. Puisque tu l'aimes, puisque tu le dis, puisqu'elle est la moitié de toi, de ton travail et de ta vie. Marie-toi, mon vieux, marie-toi. Mais tu ne m'empêcheras pas de penser, je ne suis pas célibataire, qu'une fois que la fougue t'aura passé, ta femme ne sera pas passagère. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, si tu ne veux pas que ta femme t'embête, te marie pas. Si tu préfères ta liberté, c'est pas le moment d'avoir des chaînes à tes souliers. Fais ta valise, bonsoir Clara, fais bien la bise à ton tonton, à ta tata. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, si tu ne veux pas que ta femme t'embête, bonsoir Clara. Marie-toi, mon vieux, marie-toi. C'est la plus jolie chose au monde, puisque t'es sûr, puisque tu crois que t'as la plus belle des blondes. Marie-toi, mon vieux, marie-toi. Mais tu ne m'empêcheras pas de penser, même si ta femme c'est une affaire, qu'une fois que la fougue t'aura passé, tu regarderas pas celle de ton frère. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, si tu ne veux pas que ta femme t'embête, te marie pas. Si tu préfères ta liberté, c'est pas le moment d'avoir des chaînes à tes souliers. Fais ta valise, bonsoir Clara, fais bien la bise à ton tonton, à ta tata. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, si tu ne veux pas que ta femme t'embête, bonsoir Clara. Souviens-toi ce qui est arrivé pendant 30 ans à ton beau-frère. T'auras pas besoin de la pousser pour que ta femme ressemble à ta mère. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, si tu ne veux pas que ta femme t'embête, te marie pas. Si tu préfères ta liberté, c'est pas le moment d'avoir des chaînes à tes souliers. Fais ta valise, bonsoir Clara, fais bien la bise à ton tonton, à ta tata. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, si tu ne veux pas que ta femme t'embête, bonsoir Clara. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, si tu ne veux pas que ta femme t'embête, te marie pas.